Chapitre 14e. À son réveil, M. Derrias arrêta son plan de conduite. Pour avoir le droit de laisser éclater les sentiments qui l'animaient, il lui fallait des preuves plus irrécusables que des soupçons, et il ne pouvait les obtenir qu'en évitant de mettre sur leur garde ceux qu'il soupçonnait. Il résolut donc de leur donner toute sécurité en affectant lui-même toute confiance et toute liberté d'esprit. Ses habitudes un peu froides et contenues se prêtait d'ailleurs à ce rôle et devait lui épargner des efforts de dissimulation trop pénibles. Dès cette première journée, il eut l'amertume de voir ses appréhensions confirmées par plus d'une circonstance. La plus douloureuse pour lui fut le témoignage inconscient de ses enfants. Dans ses entretiens avec eux, quand il les questionnait sur leurs occupations et sur leurs plaisirs pendant le temps de son absence, le nom de M. de Quevern revenait à tout instant sur leurs lèvres, innocemment délatrice. Il était mêlé à tous leurs souvenirs, à tous leurs récits, à leurs études et à leurs jeux, à chaque détail de leur vie quotidienne. Madame de Rias, au contraire, ne prononçait ce nom que très rarement, et toujours avec une réserve embarrassée. À l'entendre, on eût pu croire que M. de Quevern était pour elle un étranger à peine admis par intervalle dans son intérieur, tandis que dans la bouche de ses enfants, il était clairement l'hôte et le compagnon assidu de la famille. Lionel voulut aller le jour même présenter ses respects à Madame de Lauris et ses devoirs à M. de Quevern. Celui-ci le reçut avec toutes les apparences d'une tranquille cordialité. En revanche, la physionomie et l'attitude de Madame de Lauris furent de nouveaux symptômes accusateurs. Dans l'état de ses rapports avec M. de Rias, à la suite de la correspondance amicale qu'ils avaient échangée, après le succès de l'épreuve qu'elle lui avait suggérée, il semblait naturel que cette aimable femme lui fît un accueil plein de franchise et d'expansion. Il la trouva cependant singulièrement timide et contrainte. Il y avait du trouble dans ses yeux, un nuage de tristesse sur son front. Il crut comprendre qu'elle aussi avait surpris la vérité et qu'elle en était sérieusement inquiétée dans son cœur et dans sa conscience. Pendant les 3 ou 4 journées qui suivirent, les hôtes du château et ceux du pavillon continuèrent, sur les instances mêmes de Lionel, à vivre dans une étroite intimité, déjeunant ou dînant les uns chez les autres. Mais malgré l'aisance et la bonne grâce que M. de Rias apportait pour son compte dans ses relations quotidiennes, il y régnait un air manifeste de gêne, de malaise et de secrète anxiété. M. de Quevern, sous son calme habituel, était remarquablement soucieux. Madame de Rias, tantôt agitée, tantôt accablée, toujours pâle et maladive, paraissait succomber sous le poids d'une dissimulation trop au-dessus de ses forces et peut-être de sa loyauté. Elle s'observait devant son mari avec une gaucherie compromettante. Elle évitait avec scrupule toute apparence de tête-à-tête avec M. de Quevern, mais ses yeux le cherchaient sans cesse et la trahissaient. Quant à Madame de Lauris, plus triste de jour en jour, elle surveillait Lionel avec une attention furtive, comme si elle eût redouté sa clairvoyance. Elle avait avec sa cousine des apartés fréquents, d'où elles sortaient toutes deux les yeux rougis par les larmes. Était-elle donc confidente? Était-elle complice? Poussait-elle son aveugle affection pour son frère jusqu'à protéger ses amours? S'efforçait-elle au contraire de rappeler Madame de Rias à la raison et au devoir? Quoi qu'il en pût être, il était évident que pour tout le monde, excepté sans doute pour l'excellente Madame Fitzgerald, M. de Rias avait eu tort de quitter l'Angleterre, et qu'il en était revenu pour jouer dans sa propre maison et dans le sein de son ménage le rôle d'un intrus et d'un trouble-fête. Lionel attendait avec une impatience sombre le moment de dénouer violemment cette insoutenable situation, quand le hasard voulut bien le lui offrir. Tourmenté depuis son retour d'insomnie trop explicable, il avait coutume de veiller fort tard dans son appartement, et souvent même après avoir éteint les lumières. Dans la 5e nuit qui suivit son arrivée au château, il entendit vers 1 heure du matin le bruit d'une porte qui s'ouvrait avec précaution du côté du parc. L'instant d'après, il vit une forme blanche et élégante passer sous ses fenêtres, glisser d'un pas de fantôme sur une pelouse et disparaître dans l'ombre profonde d'une avenue. Une sorte de satisfaction amère contracta soudainement les lèvres de M. de Rias. Il saisit avec précipitation une boîte d'acajou qui contenait 2 pistolets de tir, puis, après une seconde de réflexion, il rejeta violemment les armes sur un canapé, sortit de sa chambre et descendit dans le parc. La direction qu'avait suivie Madame de Rias était pour lui un indice à peu près certain. l'avenue oblique dans laquelle elle s'était engagée, allait aboutir à l'une des extrémités du parc qui touchait au bois de M. de Quéverne, un chemin creux, très peu fréquenté, même pendant le jour, formait de ce côté la limite des deux propriétés. C'était là que devait se rendre Madame de Rias, si son excursion nocturne avait le but que lui supposait Lionel. Au lieu de marcher sur ses traces, il prit un sentier de chasse qui traversait le taillis et qui abrégeait la distance. Il comptait sur ses instincts et sur son expérience de chasseur pour en reconnaître le détour malgré les ténèbres. Mais il trouva plus de difficultés qu'il ne l'avait pensé. Son agitation d'esprit, la hâte même qu'il mettait à sa poursuite, contribuèrent plus d'une fois à l'égarer. Pendant qu'il se frayait péniblement un passage à travers les broussailles, il ne put se défendre d'un étrange souvenir. Il se rappela la promenade d'amoureux qu'il avait faite un jour, la veille même de son mariage, dans ces mêmes bois et dans ces mêmes sentiers, en compagnie de Mademoiselle Fitzgerald. Le contraste des sentiments qui lui avaient charmé le cœur ce jour-là, et de ceux qui le torturaient en ce moment, lui fit éprouver une douleur déchirante. Soudain, il s'arrêta. Un bruit de voix, et à ce qu'il lui sembla, de gémissement, avait frappé son oreille au milieu du silence des bois et de la nuit. Il se pencha, écarta le feuillage, et comme l'Indien qui guette, il n'avança plus qu'à pas insensible. Il était sur le bord du chemin creux, dont la clarté relative lui permit d'apercevoir deux ombres marchant lentement côte à côte. Il reconnut, à n'en pas douter, Madame de Rias et M. de Quéverne. Il retint son souffle. Il eût voulu suspendre les battements de ses artères pour mieux écouter, mais leur entretien sans doute touchait à sa fin. Ils n'échangeaient plus que de rares paroles d'une voix étouffée. Madame de Rias portait à tout instant son mouchoir à son visage. Tout à coup, M. de Quéverne s'arrêta, la regarda en silence, et l'attirant à lui, la serra passionnément sur son cœur. Un nuage de sang passa sur les yeux de Lionel et le tint comme aveuglé pendant quelques secondes, quand il put secouer ce vertige et voir devant lui M. de Quéverne et Madame de Rias avaient disparu.